fait le saut de l'ange. Dans le magma, la tête la première, 9-1 zone franche. Ça pue être la kebab sauce blanche, limpide comme celle qui sort de nos glands. Vision de l'amour, une charte en gros blanc. La descente est amorcée, HSKY corsé. T'envoie valser dans les bras de Morphée. On peut se procurer tout ce que tu veux absorber. On me sourit mais on sait que ton effort morflé. Narine droite, narine gauche, ça remplace l'oxygène pollué des parigots. Les toxcopes, les extas comme des haribos. Et s'enclotent quand c'est la fin des haricots. Hermanico, en a marre du factice, il veut son matis, son carico. Des bouts hachis gros comme ses baristos. Les petits sacs dictos, qu'on voit que le bien des aristos. Tous brigandés dans l'impasse comme Carlito. J'ai une vision assez nette, le fessier sur la sellette. Si, si, si, soit plus de péché que ta sellette. Pour faire, tu dis donc ça se vénère, le décès sera célèbre. Si, si, si, le piste la lucidité, ton trap vénère. Vision assez nette, le fessier sur la sellette. Si, si, si, soit plus de péché que ta sellette. Mon frère, je te dis, on que ça se vénère, le décès sera célèbre. Si, si, si, le fils t'a réussi, c'est ton trap vénère. Respect à ceux qui font des mandats, porte le street étendard. Au tribunal, Stéphanda, la tigre et dragon. Ne te cause que si c'est rentable, aime cogner différentes dames. Ne pouvant trouver le mental de l'idéal, gonze, on a la bite et le bras long. Prends ton ticket sale, con, si tu veux le bras de fer, ou si tu veux piper la trompe. Frappe la vie des bas-fonds, des tests anti-traître à fond. Qui se lève si t'es gâteau. On dévise les sales tronches. Nos mères ont depuis longtemps quitté le balcon. Marre de voir embarquer par des flics ces garçons. Mais pour nous le SMIC c'est pas bon, c'est pire que les cartons. Même en étant l'employé du mois, je vais broyer du noir de plus. Littéralement beaucoup voudraient le faire. Comprends que si l'on stagne, c'est que nos pieds sont recouverts de fer. Le plein de feeling grâce à nos blunt feelings. Nos battements de cœur militent à chaque heure, je divise sauvagement. Projette une vision assez nette, le fessier sur la sellette. Si, si, si, soit plus de péché que ta sellette. Mon frère, tu dis donc ça se vénère, le décès sera célèbre. Si, si, si, le plus de la réussite, c'est ton trap vénère. Projette une vision assez nette, le fessier sur la sellette. Si, si, si, soit plus de péché que ta sellette. Mon frère, tu dis donc ça se vénère, le décès sera célèbre. Si, si, si, le plus de la réussite, c'est ton trap vénère. J'mac, j'maquette, mac, maquette, mac, maquette, j'mac, j'maquette pas. Mac, maquette, y'a pas de mac, maquette pas. Dimentané, j'clip sans tanné, lui sans tanné. Instantané, j'pris dans le pas. T'es pas triste de mental et j'lâche ma crâne. Crac, crac, crac, crac. Tout grand, monsieur, on la flamme qui craque. Crac, crac, crac. Tout rien plus tard, j'ai web m'appelle pour avoir de la peine, pour savoir que la haine aime nous sortir la pelle. T'as pas les lances, c'est pas des lances, c'est pas grave à l'étance. C'est manigance, c'est ma séquence, t'étales les sens, t'es malichante. J'crime la dalle, vide la malle, nique la sale. Fils la valeur de mon rap, fils comment ça parle. T'as démonté mes post-clics, pas de carotte, ma gueule. Tu me sentiras venir même si t'as l'air Michael Jackson. Quand j'baisse minus, tu pourrais perdre la vie. J'apporte tellement de virus qu'on demande à mon stylo de mettre un préservatif. Projette une vision assez nette, le fessier sur la sellette. Si, si, si, soit plus de péché que ta sellette. Mon frère, je te dis donc ça se vénère, le décès sera célèbre. Si, si, si, le piste la réussite, c'est ton trap vénère. Projette une vision assez nette, le fessier sur la sellette. Si, si, si, soit plus de péché que ta sellette. Mon frère, je te dis donc ça se vénère, le décès sera célèbre. Si, si, si, le piste la réussite, c'est ton trap vénère. Le piste la réussite, c'est ton trap vénère. Ce sont des hôtes. A tes mots, Tarteret, 91 jusqu'au 94. On est à Katana, gros. Shit, tu connais Kevin Rap. J'ai dit le son des old mix. Mos, t'es pas raté. Avant la migraine. Mos, yeah. Assez nette, le fessier sur la sellette. Si, si, si, soit plus de péché que ta sellette. Mon frère, je te dis donc ça se vénère, le décès sera célèbre. Si, si, si, le piste la réussite, c'est ton trap vénère. Projette une vision assez nette, le fessier sur la sellette. Si, si, si, soit plus de péché que ta sellette. Mon frère, je te dis donc ça se vénère, le décès sera célèbre. Si, si, si, le piste la réussite, c'est ton trap vénère. Le piste la réussite, c'est ton trap vénère. Ils sont des hôtes. A tes mots, Tarteret, 91 jusqu'au 94. On est à Katana, gros. Shit, tu connais Kevin Rap. J'ai dit le son des old mix. Mos, t'es pas raté. Avant la migraine. Mos, yeah.